Dans mes pas, je vis. Dans mes Doc Martens se macule de la fange. Et je pense au ciel noir de mon lore. Par ce temps enragé, je pense à ses yeux qui vivent pour et dans mon souvenir. J'aimerais que mes yeux s'énaillent dans ce souvenir. Qui est-elle? Elle. Qui est-elle? Elle belle à voir, à avoir la vie. Qui est-elle? Elle belle à voir la vie. À travers un joli petit voile de couleur qui a poussé par le vent. Le bateau de mes pleurs, tapis du fond de mon cœur, qui couvre mes désirs quand je veux entendre ta voix. Et non pas prendre la peine d'écrire que mon cœur sans joie veut être ton désir. Qui suis-je, moi, poète? Le mal qui m'emplit se croit honnête, mais au final j'avance et ces lignes qui glissent sur le papier se croient fortes de me ravigorer. Toi dans le bruit de fond qui fait en fait une mélodie, peut-être ces lignes te feront-elles plaisir? Quoique si je te les disais, ou même te les lisais, serais-tu me dire autre chose que merci? Et ton silence trahirait mon amour, qui au-dessus de moi me crie, tu l'aimes. Toujours, devrais-je le croire? Ou c'est encore une blague? Le filon qui fait parler mes idées me criera à son tour. Ce cri lent et bas, pars, tu n'es pas mon amour. Alors là, les cieux que je t'avais dessinés s'effondreront. Château de cartes, bien sûr, pas cimenté, où tes cris seront toutes autres. Et là, j'y crois. La vie m'offre mon autre. Ce cri, là encore plus bas, mais trop fort pour mon esprit. Je t'enverrai les milliers de roses que mon regard gagnerait. Plus de place pour la prose, car ce soir là je gagne tout à mon tour. Un merci tant à Dieu qu'à toi, son égal, si j'ose mon âme te prendre devant lui et devant les autres anges, car c'est à toi, jolie, c'est à toi que je le dis. Je t'aime. Ouverture des saisons des amours, sponsorisée par la pluie.